rester chez soi sous prétexte qu'il pleut ou qu'il vente. Tirer les rideaux, se prendre pour un dieu tout puissant qui peut d'un claquement de doigts avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il tente. Mais garde les mains dans les poches et la bouille triste soupirante. Je connais bien cette attitude, la connaissais la mienne. Elle entraîne la fissure crânienne, creuse un fossé entre soi-même et la réalité jusqu'à ce que cette dernière parvienne à s'imposer. Et c'est là que tout s'écroule quand d'un battement de cils malgré toi tu dessoules. Faut arrêter les simagrées de l'autre côté du rideau. J'savais très bien ce qui se passait, mais à chaque fois je retombe dans le panneau, le temps de mettre ma panoplie de gasoline. Père au lavomatique et c'est reparti pour un joli tour. Pourtant je sais que seul je ne vaux pas grand chose. J'ai déjà perdu beaucoup de temps et d'énergie à cause de mes paupières closées, de ma tête baissée, refusant d'être blessée avant d'avoir les yeux ouverts et de voir que je n'ai fait que rêver. J'ai creusé les tombes de projets à la paix, à croire que ça en valait pas la peine. L'envie de réussir heureusement fut passagère. S'il faut être droit et fort, je suis grabataire. Question de caractère, je vis en parallèle. Car on n'est jamais mieux berné que par soi-même. Dans cette cacophonie, on crie de façon inaudible, crachant avec ironie tous nos illogismes. La nuance éterne entre le diplomate et l'hypocrite. Alors on se dégarde pour plus tard sa petite moquerie. Mon cheval de bataille a fini à l'écarissage. J'ai voulu prendre l'envol sans songer à l'atterrissage. Sur mes rêves, la désillusion avait droit de cuissage. Je vois mon visage, me fait vieux pour ces enfantillages. Et si j'ai l'air pensif, moins expansif, que je perds l'envie, je me dis que je peux toujours croquer la vie à peine gencive. Paraît que c'est juste un coup à prendre, qu'il suffit d'accepter de gober la pilule. Pas facile quand t'as entre les mains le mauvais fascicule. J'en ai plein le dos d'être assis sur ma propre moisissure, à me bercer de belles palabres, amas de mots et de phrases inutiles. J'imagine une mine de rubis qui rutile et que je cultive, tel un champ de barbiturique fait pour occulter l'éventualité que je bâtisse une ruine. L'ambition fissurée, froissée, besoin d'un espace où ça serait possible de s'exprimer. Déverser des extraits de soi en tant qu'être et part d'un équipage très bizarre qui rame entre guerre et calme. Et j'observe la vie des hommes, ces fausses aires d'asile énormes que l'atmosphère abrite. Et je forge, façonne mes avis, les donne sous forme de milliers de mots, de rimes et de flots qui résonnent. Fige l'époque sur disque et prod, mix et faux classique des tonnes. Miséricorde, pas séricorde, que je fasse taire les discords. La voix qui porte mes échymoses pour un nouvel épisode. Nouvelle époque, nouvelle recette, à l'heure où les temps se resserrent. Je me coupe du monde car j'en ai marre qu'il me reflète. Et plus je le rejette, plus il m'engloutit. Et plus je m'agite, plus je m'engloutis. Écoutez sur le BPM pour concrétiser mes rêves, oubliant que la vie est une ode à l'éphémère. L'éthéré céleste, le scellé terrestre. Alors menant au poignet, je me moque de l'éternel. J'ai quitté les étiquettes, éclipsé l'éthique et l'équité. Car ce sont des critères que j'ai du mal à décrypter. Le corps éthique, les pommettes saillantes. Je perds du poids tant la frustration est exaltante. La pression est patente, écrasante et jarpante. À contre-courant dans une montée dévalante. Poussait-elle Sisyphe dans mes retranchement sur une voie où l'on ne croise que le désenchantement. Et franchement j'entends rien de ce qu'on voudrait me faire croire. Étrangement je sais que notre salut naîtra du désespoir.